Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Un enseignant du lycée de Bururi a été tué la nuit de ce samedi. Jusqu'ici, personne ne sait ni les auteurs ni les mobiles du crime. Monseigneur Georges Bizimana, évêque du diocèse de Ngozi, a été proclamé hier samedi administrateur apostolique du pape dans le diocèse de Bubanza. Spes Caritas Kabanyana nous en dira plus dans cette édition. Et puis, l'Union européenne se dit prête à soutenir toute action visant à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick Izonelela assure la mise en onde au micro Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour vous dire qu'un enseignant du lycée de Bururi a été tué la nuit de ce samedi par des personnes armées de machettes non loin de son domicile quand il y rentrait chez lui. Les sources policières et administratives à Bururi indiquent que les auteurs ne sont pas encore identifiés, mais les enquêtes sont déjà en cours. Au moment où la recrudescence de ces cas d'embuscade tendus par des inconnus armés de machettes s'observe ces jours-ci en commune de Bururi, ce qui a déjà provoqué une peur panique, la population de cette commune demande des enquêtes approfondies pour que les auteurs soient punis et conformément à la loi. Cet enseignant du lycée de Bururi, du nom de Félix Ndikumana, connu sous le sobriquet de 20, âgé de 57 ans, a été tué par des inconnus armés de machettes aux environs de 20h de ce samedi, à moins de 200 mètres de son domicile au lycée de Bururi. La population du chef-lieu de la province de Bururi, avec qui nous sommes entretenus, confirme que la victime avait une bonne cohabitation. Le constat est que les patrouilles nocturnes ont été renforcées la même nuit par des policiers en collaboration avec les militaires pour chercher les auteurs de ce crime, mais en vain. Toutefois, les sources administratives et policières à Bururi indiquent que les enquêtes sont déjà en cours et plus de 20 personnes, irrégulières donc sans identité, ont été arrêtées le matin de ce dimanche au chef-lieu de la province de Bururi et ses environs. Vous saurez qu'en moins de 2 semaines, une autre personne avait été tuée dans la localité de Nanila, sur la colline Nyabyamo de la commune et province de Bururi par des hommes non encore identifiés, armés de machettes. Des autres personnes sont mortes, tuées également par des inconnus armés également de machettes, il y a moins de 4 mois, sur la colline Mugozi. Et une autre a été grièvement blessée dans la localité de Kabouye, en commune et province de Bururi, il y a moins d'un mois, ce qui a déjà provoqué une peur panique au sein de la population de cette commune qui demande des enquêtes approfondies pour que les auteurs de ces cas de criminalité soient connus et punis conformément à la loi. Topi Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zambimana. L'évêque du diocèse de Ngozi, Georges Bizimana, a été officiellement proclamé comme administrateur apostolique du pape dans le diocèse de Bubanza. C'était ce samedi, au moment où Mgr Jean Aguarara, qui était à la tête du diocèse de Bubanza et qui est déjà en retraite, fêtait son jubilé d'argent dans l'épiscopat. Georges Bizimana appelle les sacerdotes du diocèse de Bubanza à fournir plus d'efforts dans la voie du développement tant spirituel qu'économique de la population. Spes Caritas Kabanyana. À 25 ans d'épiscopat, Mgr Jean Aguarara est né à Buzirachanda, diocèse de Gitega, en 1947. Il a fêté son jubilé d'argent d'épiscopat ce samedi à Bubanza et il est déjà en retraite. Mgr Georges Bizimana, évêque du diocèse de Ngozi, qui a été évêque coadjuteur du diocèse de Bubanza en 2013, a été proclamé ce samedi même comme administrateur apostolique du diocèse de Bubanza en attendant que le titulaire soit nommé. Dans son discours, Mgr Georges Bizimana a reconnu que Jean Aguarara a été à la tête du diocèse de Bubanza dans des moments difficiles de la crise qui a endeuillé le pays, mais qu'il a essayé à réorganiser et à renouer les esprits à faire aimer la prière aux jeunes et à chercher des projets de développement. Monseigneur Georges Bizimana a demandé aux sacerdotes du diocèse de Bubanza à doubler d'efforts afin de rapprocher les familles dans un développement tant spirituel qu'économique. Docteur Sylvie Nzaimana, ministre de la Santé, qui était déléguée par le gouvernement, a reconnu les efforts de l'Église catholique dans le domaine de l'éducation, de la santé et autres. Spécialitas Kavanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, l'Union européenne se dit prête à soutenir toute action qui irait dans le sens de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration de Bernard Quentin, envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, ce samedi à Bujumbura, lors du 11e sommet du mécanisme de suivi régional de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région. Il appelle également au dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin. Suivez. Tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous condamnons fermement les attaques commises par le M23 au Nord Kivu, ces récents mois. Nous l'appelons à poursuivre de bonne foi son retrait immédiat et effectif des territoires qu'il occupe, comme convenu dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Toutes les parties extérieures à la RDC doivent cesser immédiatement d'appuyer le M23 ou quelconque groupe armé, y compris le FRDC FOCA. De même, il ne peut y avoir de collaboration avec les groupes armés, compris les FDLR et certainement pas par l'armée. Nous continuons d'appeler la République démocratique du Congo et le Rwanda au dialogue et à mettre pleinement en œuvre tous leurs engagements pour faire avancer une paix durable dans la région, conformément aux processus régionaux en cours. Pour notre part, la situation à l'est de l'RDC est tout sauf une crise oubliée. L'Union européenne et ses partenaires se sont investis depuis plusieurs années et à différents titres dans la région. En témoigne notre investissement résolu dans la réforme du secteur de sécurité en RDC, autant sur la réforme de l'armée que de la police et de la justice. Nous continuerons aussi d'apporter une aide humanitaire aux populations vulnérables. Nous savons par expérience qu'il n'y a pas de solution qui ne serait que militaire ou sécuritaire. Notre enjeu est de lier l'action actuelle aux enjeux structurels de long terme. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se montre inquiet de la détérioration de la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il salue toutefois le déploiement d'une force régionale militaire dans cette région et encourage les forces militaires sur terrain dans cette mission. Je ne crois sincèrement pas que le temps est encore aux accusations mutuelles, à la mise en cause de la bonne foi des uns et des autres, m'inspirant de toutes les initiatives, y compris celle de l'Union africaine. Je voudrais vous interpeller, nous interpeller. N'est-il pas superflu de dire que nous avons aujourd'hui assez de conflits dans le continent, avec un Sahel meurtri, une Libye en perpétuelle déchirure, un Soudan en flammes qui viennent s'ajouter à la lancinante et perpétuelle tension à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à quand allons-nous continuer à faire étalage de nos faiblesses, carences et fragilités diverses? Pourquoi continuons-nous à tourner en rond en observant la non-concrétisation effective de nos décisions? Nos peuples et nos amis dans le monde nous regardent. J'ai sincèrement peur qu'ils finiraient par incriminer nos déficits de volonté politique, de détermination, voire de leadership tout court. Les tensions qui nous préoccupent aujourd'hui interpelle sur la pertinence et même l'adéquation de nos mécanismes de sécurité actuels, notamment l'accord cadre. Je suis d'avis que l'Union africaine, en étroite collaboration avec les institutions garantes et les pays signataires de l'accord cadre, procède à une évaluation sans complaisance de sa mise en œuvre afin d'en renforcer l'efficacité pour relever les défis auxquels la région des Grands Lacs est confrontée. Avoir l'amour de la patrie, la servir et la sauvegarder, et que les jeunes aient de la vision en s'impliquant dans leurs propres projets, Tel est l'appel que le Comité national d'encadrement des jeunes chrétiens au Burundi, CJCB en sigle, appelle aux jeunes. Le représentant de ce comité demande aux jeunes de bien préparer leur avenir en s'investissant dans de petits projets générateurs de revenus dès leur bas âge. Il a dit cela ce samedi lors des enseignements que ce comité a dispensé à l'endroit des jeunes issus de différents groupes bibliques et établissements scolaires dans la province de Makamba. Les précisions d'Élisée Kwizera. S'appuyant sur le thème « L'amour de la patrie est une obligation divine » au cours de ses enseignements, le représentant légal du Comité national d'encadrement des jeunes chrétiens au Burundi, CGCB en sigle, pasteur Patrice Akizimana, a invité les jeunes à l'amour de la patrie, la servir et la sauvegarder. Selon ce représentant, les enseignements dispensés par ce comité vont permettre à la jeunesse burundaise de comprendre qu'elle constitue le Burundi de demain et qu'elle pourrait être dotée de différents services de la vie du pays en remplacement des différents dirigeants en exercice quand ils ne seront plus. Il leur a demandé d'avoir une vision pour bien préparer leur avenir de leur bas âge en s'investissant dans des projets générateurs de revenus, puisque la plupart des gens très développés l'ont commencé quand ils étaient encore très jeunes. À titre exemplatif, il leur a dit qu'il est possible de terminer les études universitaires ayant déjà 5 vaches si on a commencé par l'élevage d'une seule poule depuis la classe de 7e année et ne pas prétendre être toujours embauché par l'État. Ces enseignements ont été dispensés ce samedi dans la province de Makamba à l'endroit des jeunes issus des différents groupes bibliques et établissement scolaire depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Et voilà, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Patrick Izonderera pour la collaboration technique. Excellente journée dominicale à tous. Au revoir.